toujours avec un timer, genre. C'est bon, j'ai gagné, il a dit là, monsieur. Ou alors, tu vois, Pat. Quand tu joues à quelqu'un qui ne sait pas jouer avec des gentils comme moi, bah c'est tu fais Pat. Parce que je dis qu'il y a un moment, il faut écraser l'autre. Et quand c'est ton pote, tu peux pas le faire à chaque fois. We'll be right back. was there tonight and it seems to go away. Was there shot three times to pop up there. Thank you. travailler, on veut pas du travail. Non, je ne connais pas. On

Ça a été si difficile de matin. Pour se lever, j'avais dans les mains tous les matins, mais ce matin c'était pas très matin. Pourtant ce matin c'était bien plus tôt que ce que j'espérais. Une heure dans les dangers. Et je sais. Et je sais. Une heure dans les ratiches, ça fait mal, je sais. Que tu sais, je sais que tu sais. Demain ce sera pas plus joyeux, mais on a eu du soleil pour se coucher. Ça va tout changer, ça va tout changer. Tout chambouler, ça va nous changer. Mardi, c'est le... Ça va nous chambouler. Ça va tout changer. Je ne connais pas. Non, je ne reconnais pas. Le hic, non, je ne connais pas. Non, je ne reconnais pas. La vie. Ladies and gentlemen. Non, je ne connais pas la trique. Non, je ne reconnais pas. Je ne reconnais pas la trique. Même si je sais, il y a des bas. Calpiquet, Bétarame, juste à côté de chez moi. Notre-Dame de Garaison. Fils, il n'y a pas de raison. Non, pas de drame. Non, pas de bêta-rame. Non, pas de drame. À Notre-Dame. Qui sont-ils qu'ils se damnent ? À raison. Tous ces fous, tous ces cons qu'ils se damnent. À notre. À notre déraison, notre dame, qu'il se, à notre repentant, nous sommes surpris. Ok, nous sommes. Repentant sur que nous sommes pris sur le fait pris d'enthousiasme pris sur le qui vivent haut les mains, que personne ne bouge haut les mains, surtout tous ces bourges haut les mains, que personne ne bouge, on n'est pas sûr de demain. Si rien ne... Olé, olé, olé, olé. On n'est pas sûr de demain. Si rien ne... Et surtout tous les... Si rien ne... On n'est pas sûr de... Et surtout que tous les... Tous les... Ne rien ne... Si rien ne bouge, on est... Sûr de demain, surtout que tous les bourges, mais ne rien demain, mais on n'est pas sûr que ça. Tous les bourges, mais si rien demain, si rien ne bouge, tous les, si rien demain, si on ne fait rien. Eh bah vends tes gamins, si tu ne fais rien. Fais pas de gamins, ou vends-les, c'est bien. Et vends tes gamins, si tu ne fais rien. Alors que tous les bourges se... Aucun ne se bouge, les bourges. Et si les bourges... Et aucun ne se bouge, les bourgeois. Aux bourgeois pourraient changer, mais ils vont aller avec leur jet privé. Ils vont pas, non, ils vont y aller avec leur jet privé. Ils vont promener leur marmottes. C'est sûr que si rien ne Si rien ne bouge, le futur qu'on façonne, et nous on est personne. Si rien ne bouge, et si les et si on laissait. Et c'est gouverné Bernard Arnault, tu sais, c'est déjà le cas, tu sais. Et rien ne bouge, tu sais, les bourges, ils sont riches. Tu sais qu'ils sont riches. il rit de tout ça. Si il s'en gousse, tu sais les bourres à rebours con. Ta rebours con. On est con. À rebours et con. Chaud, tu sais. sais donc Arnaud, tu sais qu'on n'est pas chaud pour voir nos mamans canner, non. Arnaud, n'en fais pas chier. Et la sienne. On n'est pas chaud pour canner ni pour tuer, non. Allez vous faire toi qui étais trop cool, Nout, là. C'est toi qui es trop cool. Merci, ça a groové grave. Et vous êtes où en France? Nous, on est à Toulouse. Vous êtes où, vous?